Bélier, vous n'êtes pas à court d'arguments pour convaincre vos interlocuteurs du bien fondé de votre démarche. Taureau, vos négociations sont en bonne voie, alors continuez sur votre lancée, vous êtes bien parti. Gémeaux, Mars vous dynamise, mais fait monter votre tension nerveuse. Défoulez-vous en pratiquant une activité sportive de façon régulière. Cancer, vos activités professionnelles sont au premier plan de vos préoccupations. Lion, ne soyez pas possessif avec votre partenaire. Vous êtes étouffant et il pourrait se lasser de vos crises de jalousie injustifiées. Vierge, faites confiance à votre partenaire au lieu de vous inventer des histoires. Vous avez seulement besoin d'être rassuré. Balance, dites à votre partenaire ce qui vous tracasse. Vous vous sentirez plus léger après une franche explication. Scorpion, vous retrouvez la motivation nécessaire pour vous investir et donner la pleine mesure de votre tempérament de battant. Sagittaire, étudiez dans les moindres détails votre stratégie d'action. Vous ne serez pas pris au dépourvu quand votre rythme s'accélérera. Capricorne, harmonisez votre hygiène de vie quotidienne. Équilibrez votre alimentation, c'est bien nécessaire. Verseau, vos ardeurs se réveillent. Partez sans plus attendre à la conquête de l'élu de votre cœur. Poisson, Mars pimente votre vie sentimentale, alors que Vénus vous insuffle un charme enjôleur.